Tout ce qui est en toi, c'est pareil. Tu développes un phénomène extraordinaire, puis tout d'un coup, ton enfant veut se suicider. Qu'est-ce que tu fais? Tout le reste, tu n'as jamais communiqué avec. Tu es un élite. Tu es un inutile. Et les compétitions intérieures amènent l'homme à être inutile dans l'évolution. Merci. Si vous avez des questions à la deuxième partie, vous pourrez les remplir, petit coupon bleu, et les laisser ici. Merci. Rebonsoir à tous. J'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait encore plusieurs visages nouveaux. Fait que pour ces gens-là, il y a une promotion qui existe ici au centre depuis un certain temps, à savoir que les gens qui achètent leur billet pour la prochaine conférence, du conférencier de la soirée, ont la question.